Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture, où aujourd'hui je reçois par téléphone Sophie Terrade pour son roman « Par-delà nos frontières » aux éditions Bastian Éditions. Bonjour Sophie. Bonjour Sarah, merci. Bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté cette interview par téléphone. Merci à vous. Par-delà nos frontières est votre troisième roman qui traite du départ tragique de deux frères de leur pays en guerre. Alors, Comment vous est venu ce sujet? Parce que vos deux romans précédents n'abordent absolument pas ces thématiques-là. Comment on arrive à écrire? Quelle a été votre source d'inspiration, justement, pour écrire sur un sujet quand même assez lourd, je dirais, en termes de contexte? Oui. Alors, en fait, ça remonte à quelques années déjà. J'avais vu, comme beaucoup de monde, la photo du petit Elan Kurdi, qui, donc, en fait, s'était noyé et qui avait été retrouvé sur une plage de Turquie en 2015. Il avait 5 ans, c'est ça? Oui, il avait 3 ans. Tout petit garçon. Oui. Et d'ailleurs, mon personnage principal s'appelle Elan, en hommage à ce petit Elan Kurdi. Et quand j'avais vu cette photo à l'époque, ça m'avait énormément touchée, comme beaucoup d'autres que moi. Et je m'étais dit à l'époque, qu'est-ce que tu pourrais faire pour un petit peu aider ces gens, effectivement, qui sont dans le malheur. Et je m'étais dit, bon, peut-être que tu pourrais donner des cours de français, par exemple. Ouais. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui est un petit peu resté dans mon esprit. Et puis, finalement, j'ai décidé d'écrire, tout simplement, un roman. Et c'est très joliment écrit, parce qu'on tombe pas dans le... dans la douleur ou dans le tragique. C'est très bien écrit. On sait que le contexte est tragique, mais la relation que les deux frères développent n'est pas tragique, en fait. Oui, j'ai voulu mettre absolument effectivement de la lumière. Hein. J'aurais pu faire effectivement quelque chose de très très noir et rester dans le noir total. Mais mon parti pris effectivement a été de délivrer également un message d'espoir, de dire il y a une possibilité de s'en sortir et surtout de dire que on ne s'en sort pas tout seul. Hein. C'est-à-dire que tout au long du roman, il y a des espèces de petits, j'appelle ça les petites pierres, hein, comme dans Le Petit Poucé en fait, qui sont des personnages en fait qui vont aider les réfugiés et vont les aider à avancer, vont leur tendre la main. Donc oui, effectivement, la lumière est importante dans le roman. Il y a beaucoup d'amour dans ce roman. La suite de l'interview de Sophie Terrade, c'est après un titre interprété par Jean-Luc Coquelair et écrit par Sophie Terrade. Tu peux nous déclarer la guerre, me mettre 6 pieds sous terre. Ta main restera dans la mienne, je serai le dernier. Tu peux éteindre nos étés, abjurer le passé. Mes reins asserviront tes hanches, je serai le dernier. Tu peux t'en aller, te dissoudre, m'abattre de ta foudre. Ma voix gémira ton amour, je serai le dernier. Tu peux nous imposer silence, mentir nos évidences. Ma bouche érigera tes seins, je serai le dernier. Tu peux pirater nos trésors, blasphémer nos accords. Je fouillerai tes creux, je serai le dernier. Tu peux tout tenter, essayer, t'obstiner, saboter. Je boirai à ta source, je serai le dernier. Tu peux taire nos promesses, liquider ce qui reste. je crierai à ton cri. Je serai le dernier. Tu peux bien abdiquer, dilapider, renier. Je serai le dernier à ton corps enchaîné. Je serai le dernier à ton corps enchaîné. Prise de lecture sur Fadjet. Alors, ma deuxième question. Vous écrivez également des chansons, oui. Dont une qui s'appelle Ma peine ou encore Le départ. Comment est-ce qu'on passe du roman à la poésie? Parce que pour moi, une chanson, c'est aussi une poésie. Comment on arrive à changer, je dirais, de casquette comme ça? Ou est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est complètement. Qui est complémentaire, en fait, dans votre travail d'écriture? Alors, concernant donc les chansons, en fait, donc c'est le musicien, interprète, compositeur Jean-Luc Coquelaire qui m'avait demandé pour son album Young d'écrire des chansons. Donc, moi, j'avais jamais fait avant. Hein. Oui. J'ai commencé à écrire des textes. Et c'est plutôt, en fait, Jean-Luc qui s'est adapté, lui, à mes propres textes pour les mettre en musique. En fait, il a pas changé énormément de choses dans mes textes. En fait, c'est différent, mais pour moi, c'est assez, c'est quelque chose d'un peu intuitif, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire que j'ai pas une technique particulière où je me dis, tu vas faire tel. Oui, voilà. Suivre tel code pour la chanson et suivre tel code plutôt pour la poésie. Ça vous vient naturellement, en fait? Oui, voilà, c'est plutôt intuitif. Et voilà, d'accord. Évidemment, après, il y a énormément de travail derrière. Hein, mm-hmm. C'est-à-dire que quand on voit les paroles de la chanson, évidemment, c'est pas venu comme ça tout seul. Il y a une réécriture, etc. Mm-hmm. Mais au départ, je ne me dis pas, tu vas suivre un code spécial. Ouais. Ça fait partie de vous, quoi. Oui, tout à fait. Hein ? Ok. Tout à fait. Et ça rejoint un peu, je dirais, la première question où, justement, vous me disiez, mais en fait, c'est parce que j'ai vu la photo, cette photo dramatique qui a vraiment fait le tour du monde de ce petit garçon de 3 ans qui est mort noyé. En fait, ça vient quelque part, il y a une partie très affective, en fait, là-dedans. Et je pense que le fait de passer du roman à la chanson, c'est pareil, ça fait partie de vous, ça fait des échos, peut-être, ce genre de choses. C'est peut-être ça. Oui, alors c'est vrai que moi, effectivement, je parle de thèmes, j'aborde des thèmes, y compris dans la chanson et dans les poèmes, de thèmes qui me touchent. Oui. C'est-à-dire que j'accorde beaucoup d'importance, effectivement, aux thèmes, aux messages qui délivraient. Oui. Il y a, je pense, beaucoup d'humanité dans ce que j'écris. Oui. Et après, la forme et le fond vont aller ensemble, forcément. Okay. Avant de retrouver la dernière partie de l'émission Caprice de lecture, nous écoutons le titre Entrelacés mêlés, un des poèmes de Sophie Terrade, mis en voix et musique par Jean-Luc Coquelaire. Quand nos pas se déroulent sur les sentiers, les houles, les souvenirs remontent du fond de notre cœur. Se déploie la joie, la douleur, entrelacée, mêlée. Quand nos mains épanchent la mousse des troncs des arbres verts, la voix des anciens révèle l'héritage oublié. Reviennent l'enfance, l'innocence, entrelacée, mêlée. Quand nos corps s'alanguissent sur le sable tiédi, l'écho de notre amour anime nos âmes réunies. Jaillissent le désir, le jouir, entrelacés, quand le sang de nos veines coule sous nos peaux assoupies. La caresse du rêve engourdit le creux de notre lit. Filent nos chimères, nos songes, entrelacés, mêlés. Quand nos chants s'élèvent la nuit vers les autres, les amis, la sève du partage inonde le ruisseau de nos rires, croissent nos forces, nos accords, entrelacés, mêlés. Quand la mer enfante l'avenir sur la guerre enlisée, la foi en un jour meilleur guérit la frayeur et l'effroi. Naissent les lendemains, entrelacés. Dans Par-delà nos frontières, on a parlé de l'amour indéfectible que se portent ces deux frères qui ne se quittent pas et qui sont absolument incroyables. Est-ce que ça, justement, c'est une partie de vous-même ? Est-ce que vous avez des liens comme ça, si vous avez des frères et sœurs, ou c'est vraiment... Est-ce qu'il y a une partie d'autobiographie là-dedans, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez... J'ai du mal à me dire que vous l'avez purement imaginé, parce que je pense qu'il faut le vivre pour le retranscrire. Alors, aussi fort. Non, là, c'est intéressant votre question, parce que non, je l'ai purement imaginé. C'est incroyable. Voilà, j'ai une sœur et un frère, mais en aucun cas on a été comme ça séparés, ou des choses comme ça. Non, moi, ce qui m'intéressait surtout dans ces deux personnages, c'est qu'ils sont très complémentaires, puisqu'effectivement ils se vouent un amour indéfectible, mais très différent. Ils sont très différents, voilà. Et je les ai voulu en fait comme ça, hein, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte qu'ils soient totalement différents l'un de l'autre. Parce qu'il y en a un, par exemple, l'aîné, qui est plutôt la voix de la sagesse, et le deuxième qui est très fougueux en fait, qui est très dans l'action, deux finissent par s'équilibrer en fait. Voilà, absolument. On dit toujours que les contraires s'attirent, mais là, moi, pour décrire cette relation fraternelle aussi forte, moi, je me suis dit, mais en fait, elle l'a vécue. Elle a un frère, une sœur ou plusieurs, et franchement, c'est bien réussi. Moi-même, j'ai deux garçons, et ils ont cette relation-là très, très forte. C'est vraiment deux opposés et tellement complémentaires. Et je ne sais même pas si je pourrais le traduire comme vous l'avez traduit dans votre roman. Bah écoutez, merci. C'est franchement incroyable, ça. Il y a beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de respect d'un frère envers l'autre. Et beaucoup de... si on pouvait le résumer, c'est à la vie, à la mort, quoi. Et pas que parce que la maman l'a demandé au début, hein. C'est vraiment parce qu'eux, ils sont comme ça. Et ce roman est extrêmement touchant. Voilà, je voulais vous le dire. Alors... Après avoir parlé de ce roman, on va parler de vos projets 2023, évidemment. Quand on a goûté à ce type de roman, on se dit, mais quand arrive le prochain ? Est-ce que vous avez des projets de ce genre, voilà, pour l'année alors, à venir ? Donc, je suis depuis donc, la sortie du roman énormément dans la promotion, qui me prend beaucoup de temps quand même. Hein, donc, les dédicaces, etc. Mais ça veut dire que ça marche bien, c'est super. Oui, en même temps, on fait en sorte aussi que ça... Bah oui, bien sûr. De faire connaître également ce qu'on a écrit. Concernant le prochain, j'ai plus une idée, on va dire, de construction, particulièrement. En restant toujours dans ce qui reste pour moi effectivement important, c'est-à-dire dans des thèmes engagés, hein, pour moi c'est important. Et mais j'ai pas encore véritablement, si vous voulez, de trame et de quelque chose de précis. Il y a rien de d'arrêté. Non, pour l'instant non. Ok. Pas pour d'accord. L'instant. Merci. Ça viendra. Eh bien, merci beaucoup, Sophie, de nous avoir accordé cette interview. En plus, le livre est vraiment... Il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Il gagne à être connu. Il est superbe. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt. Peut-être au prochain roman. On verra. Bien sûr. Ce serait avec grand plaisir. Voilà, merci. Merci, Sophie. À bientôt. Au revoir. Alors, à bientôt. Au revoir.